J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, comme vous l'avez entendu, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics. Nous sommes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 et puis sur internet pour les gens qui ne seraient pas sur Montpellier. Je tenais, avant de commencer les news, et avant de dire bonjour à mon équipe, non je vais quand même dire bonjour à mon équipe avant, ouais, on préfère, il y a le retour enfin de Mathieu. Ça fait quoi, ça fait deux émissions que t'es... Deux semaines de vacances. C'est cool. À côté de toi, il y a Thomas, enfin en face de toi plutôt. Oui, voilà. Salut Thomas. Salut à tous. Et au milieu, comme d'habitude, il y a Johnny. Johnny qui ne prend Allô. Pas de vacances, lui, comme moi. Non. Avant toute chose, vous l'avez entendu plusieurs fois. Il a fait quoi? Il a fait deux, trois émissions avec nous. C'est Romain qui avait rejoint l'équipe, mais qui finalement ne pourra pas continuer. Et on lui dédicace cette émission parce que c'est lui qui en a lancé l'idée. Donc parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, on va vous parler de Spider-Man et c'est lui qui voulait parler de Spider-Man, donc on lui dédicace l'émission et il est parti pour d'autres voyages, mais quand il reviendra par là, il est toujours le bienvenu parmi l'équipe de Comics Discovery. Il a préféré sa vie professionnelle, je crois. Hein. Ouais, quel enfoiré. Ouais. Il a rien compris. J'arrête de vous payer si ça continue. Avec quoi? Payer. Rends l'argent aux abonnés. Hein. Bon, allez, on va commencer les news directes. Et on va commencer ces news avec la meilleure news du mois. Et nous sommes en début de mois, mais je suis sûr que ce sera la meilleure news du mois. C'est Joss Whedon qui rejoint Warner pour un film Bad Girl. Et qui de mieux que le papa de Buffy pour une héroïne jeune et cool de Warner. Je sais pas votre avis. Whedon, c'est toujours une bonne nouvelle, à peu près quoi qu'il fasse. Donc, c'est vrai que Bad Girl, ça fait quand même quelques temps qu'elle est peut-être un peu en perte de vitesse. Il y avait un épisode où elle était retournée quasiment au lycée, un peu girly, un peu. Ouais, ça c'était pas mal ça. Hein. Oui, visiblement, ça avait pas trop mal marché. Ouais, c'est pas mal, c'est, ouais. Non, c'est bien. C'est bien. La Bad Girl DCU, ouais. Moi j'avais trouvé ça assez sympa. Faut voir s'il va pas se retirer comme la plupart des réalisateurs qui sont annoncés par la Warner. À chaque fois on fait waouh, trop bien, et puis la semaine d'après, ah non, c'était qu'une rumeur. Et puis je sais pas, on annonce encore un nouveau film, genre il y en a déjà 30 000 qui sont annoncés. Après si on parle de l'idée de faire un film Bad Girl avec Josh Whedon, ouais, ça peut être génial, mais il faut que ça se fasse, quoi. J'ai d'autant plus confiance pour l'instant, parce que après, donc Whedon, il avait aussi réalisé le premier Avengers et ouais, le deuxième et le Avengers, ouais. L'ère d'Ultron, et il était parti épuisé, il disait lui-même que ça l'avait éreinté total et que c'était pas forcément maintenant qu'il allait reprendre une... Je pense que si Warner le fait chier, bah, il va se casser. Enfin, non, mais à la limite, s'il était déjà dans cette mentalité-là, c'est pas un petit newbie qui sort et qui dit oh putain, une super production, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Il sait ce que c'est, il a déjà passé par là, il a déjà été fatigué. Le fait qu'il revienne, c'est peut-être un projet qui lui tient à cœur, peut-être qu'il a les roues libres. Enfin, ça peut être peut-être sympa, ouais, d'avoir enfin un créateur qui prend un peu mon goût. Un vrai auteur, ouais, voilà. Qui prenne. Why not? Les manettes de Bad Girl, t'as pas donné ton avis, Johnny, encore? En fait, c'est-à-dire que j'attends de voir, parce que là, a priori, c'est comme avec Batman, quoi. On nous dit, ouais, c'est qu'une annonce. Voilà, il y a tel nom accroché au truc, mais sans voir le produit en lui-même, j'ai pas vraiment de raison d'être excité ou pas. Pour avoir un peu plus de détails, on sait que ça va être une Bad Girl un peu. Ils ont décidé de s'inspirer du Bad Girl New 52, donc une Bad Girl qui aurait subi l'incident, entre guillemets, Killing Joke, donc qui se ferait tirer dessus par le Joker. Ce run, il a pas été critiqué un peu le fait. Non, qu'elle soit un peu trop girly et tout. Enfin, moi je l'ai pas lu, mais le début, du run est un peu moyen avec je sais plus qui c'était au scénario, c'était une femme, je sais plus comment tu s'appelles. Fighter, ouais. Parce que c'est une femme, c'est ça. Non, bah, c'était pas génial. C'était pas Gail Simone. Ouais, c'était Gail Simone, ouais. C'était pas foufou, mais après c'était cool. Et même le DCU, mais c'était pas au lycée, c'était à la fac, elle partait à la fac. Moi j'avais trouvé ça cool. Je sais que par exemple Maxime avait surkiffé. Et non, le dessin c'était sympa. Ouais, les dessins avaient l'air sympa, mais bon, j'ai pas lu. Et du coup, c'est intégré dans le DC Universe au cinéma. Ouais. Ça par contre, ça commence à être un peu. Enfin... Bah, ils ont annoncé Nightwing aussi il y a pas très longtemps. Bon, remarque, j'allais dire, ça fait un peu pas très stable, mais Marvel ils nous font pareil avec les Inhumains, oui, bah, oui. Machin, ça change tous les ans. Donc on s'en ouais, c'est pas faux. Bon, allez, on va passer à une autre news. Et moi, je voulais parler d'un petit truc qui me tenait à cœur. J'avais plutôt aimé Infinite Loop. le comics des deux petits Frenchies, Elsa Chartier et Pierre Collinet. C'était le 1er avril, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, mais non, c'est des conneries. Et en fait, non, c'était vrai. Ils ont annoncé qu'une fille tout proviendrait avec un troisième tome, puisqu'il y a déjà deux tomes de sortie. Ouais. On va voir les nouvelles aventures de Teddy et Anno. Et en plus de Pierre Collinet et Elsa Chartier, il y aura Daniel Di Nicolo, une artiste qui va les rejoindre pour Infinite Loop Nothing But The Truth. Donc moi ça me hype un peu, j'avais bien aimé ce comics et j'ai envie d'en avoir un peu plus. Et puis c'est un comics de Frenchie, c'est cool quoi, des Français qui bossent pour IDW. Qui ont bien réussi aux États-Unis du coup. Elsa Chartier elle était sur une série DC là. Non, elle est sur Marvel en ce moment. Ah, sur Marvel. Tu m'as fait la même. Ah ouais, il y a deux semaines. Ouais. Il y a un sur deux, ça va. Bon, oui, elle a pris du galon parce qu'elle a bossé. Elle a bossé chez DC, mais maintenant en ce moment, elle est sur The Wasp, donc la guêpe. Ah oui, la guêpe. Chez Marvel, donc elle prend un peu plus de galon au niveau du dessin et elle va revenir encore plus fort. Ce qui moi me fait un peu peur, c'était moi j'avais adoré le dessin, j'adore le style d'Elsa Chartier, mais ce qui pêchait un peu plus, c'était le scénario, et j'espère que Pierre Collinet aura un peu plus d'idées neuves pour le scénario. Voilà. Ah, moi après je l'ai pas lu, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Moi non plus, mais bon c'est toujours bien d'avoir des petits franchises. Puis je le lirai vu que c'est des Français, mais bon c'est pas encore fait quoi. Ok. Juni, pas de commentaires. Non, j'aime bien la pub patriotique. Ouais, bah, c'est ça. Nationalisme. On va faire un mur, nous. J'allais dire de la merde. On va passer à une autre news. Et là, ça va être une news un peu plus triste. Je l'avais annoncé il y a quelques épisodes déjà. Le seul magazine qui parle de notre passion et de notre médium préféré, les comics, le seul magazine français qui était Comics Box, est bel et bien fini. Ils avaient dit en début d'année que ça commençait à être un peu compliqué avec leur éditeur. Et finalement, c'est vraiment, ils n'ont pas retrouvé de repreneur. Ce qui est encore plus dommage, c'est qu'ils sont rentables. Ils font des ventes quand même. Et c'est juste une connerie, leur éditeur est en train de se casser la gueule et personne ne veut reprendre le magazine, donc voilà, c'est un peu dommage. Je sais que tu le lisais. Moi, je lisais. Ouais, il y avait des articles intéressants. Alors, comme je disais la dernière fois, les interviews étaient peut-être pas forcément les plus poussées, mais après il y a des articles de fond sur la culture comics, le lien que ça peut avoir avec l'actualité, avec une certaine forme même de ce qui peut se passer à travers le monde et notamment aux États-Unis, ou même parfois des points sur tel personnage, l'historique qui était assez bien fourni. C'est forcément triste. Après, ils ont rebondi déjà une paire de fois. Peut-être qu'ils vont arriver à trouver autre chose. Là, l'édito avait l'air compromis. Oui, c'était quand assez même, triste, ouais, ça a été tristouné. Ouais. Mais ouais, c'est dommage. Moi, j'étais assez client. Ouais. Et en tout cas, moi, je souhaite vraiment à toute l'équipe de Comic Box d'arriver à retomber sur leurs pieds. Xavier Fournier et compagnie, comme tu dis. On a vraiment hâte de pouvoir les relire, que ce soit sur Internet ou sur un autre magazine. Il y a pas mal de filles qui travaillent, il me semble. Enfin, ouais. Je me rappelle avoir pas mal vu de noms féminins qui faisaient des articles ou qui faisaient des interviews. C'était bien, c'est dommage. Ouais, c'était. Bon, tant pis, on continuera à suivre ce qu'ils font, on espère que ça va rebondir. Voilà. On garde l'espoir dans cette news malgré la tristesse. Et on va passer à la dernière news. Oui, mais j'en ai pas fait beaucoup. Enfin, la dernière news, je me suis pas trop fait chier. Si vous ne suivez pas trop Internet, si vous êtes dans une cave depuis deux semaines, vous ne savez pas que deux trailers sont sortis. Donc, le trailer de Justice League, comme je l'avais dit la semaine dernière. Et il y a un autre trailer pour Amazing Spider-Man. Et j'avais envie qu'on en discute un peu. C'est pas Amazing Spider-Man. C'est pas Amazing Spider-Man, oui. C'est Homecoming. C'est ouais. Spider-Man tout court. Je dis de la merde. C'est pas grave. Et moi j'étais très très très très hypé par ce trailer. Est-ce que Thomas t'as envie de... On va commencer par Justice League. Ouais, Justice League, t'as une chose du bien de la Warner pour une fois. Mais essaie de nous résumer un peu ce qu'on y voit. C'est mon micro qui m'enregistre, c'est normal. Pourquoi tu nous censures comme ça? Qu'est-ce qu'on y voit? La grosse baston. Enfin, j'ai pas grand chose à dire à part que le trailer est vraiment très très bourrin. On y voit un Batman qui a donf, enfin tous les super-héros à donf avec de très belles images. Après, je sais pas ce que ça va être forcément le scénario, mais en tout cas, eux non plus. Par rapport, ouais, ça se trouve, il n'y a pas de scénario pour l'instant. Mais en gros, j'aime bien qu'ils le font à 100% dans le bourrin un peu, parce que avant c'était pas très assumé, on gardait une part réaliste un peu qui fonctionnait pas trop. Enfin, en même temps, avec Aquaman, Wonder Woman et Superman, ouais, non, mais par exemple, tu vois, Cyborg, il est fin, Cyborg, il est subtil. Non, on avait commencé sur Man of Steel, qui était un truc plutôt basé sur un truc Man of réaliste Steel, et tout. Subtil, d'accord. Il dit ça, Metropolis. Ouais, bon, ouais, mais c'est bourrin de ouf aussi, mais. C'est du Snyder, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, je sais pas. C'est le côté un peu plus bourrin, un peu plus. Il y a un peu d'humour et tout. Il y a un petit côté. Malheureusement, il y a un petit côté Marvel. Ouais, mais au niveau de l'image elle-même, c'est un truc vraiment Scott Snyder, quoi. Ouais, on retrouve l'image. Je sais pas si j'aurais dit malheureusement d'ailleurs pour le coup, le côté humoristique du truc. Ouais, non mais aussi, la petite ça m'a de fait Batman, beaucoup penser c'est marrant. C'est pour ça que je dis je sais pas si j'aurais dit malheureusement, parce que pour moi en tout cas c'est bienvenu, hein. Ah c'est, ouais bon, comment dire, au-delà de tout ce que j'ai pu mentionner avant, comme le fait que je considère légèrement que Warner se moque un peu de nous, si je devais prendre ce film comme étant juste existant comme lui-même, on va dire, ça a la tête d'un fan film fait pour YouTube qui durerait 5 minutes où les gars auraient mis le paquet niveau. En fait, ça a l'air d'être un film rempli de scènes cool, ce que Snyder fait très bien. Le truc, c'est qu'il n'y a généralement pas des masses de scénarios derrière. Et la seule crainte que j'ai au final, c'est qu'en admettant que je regarde ce film un jour, ce qui n'est pas gagné, je pense que le truc qui risque de me casser un peu le film, ça va être que tous les films qu'on a eu jusqu'à présent dans cet univers sont assez pompeux. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens habillés en collants colorés et ils essayent de mettre une histoire soi-disant très profonde, alors qu'au final ça se casse la gueule en permanence. Alors que là, pour le coup, je pense qu'il y aurait un parti pris à prendre qui est... On n'a que des cas en costume coloré qui tapent sur des aliens pendant 2 heures. Quoi. Et voilà, c'est ça, c'est genre autant y aller à fond et ça a l'air d'être le cas. Les deux trucs qu'on a vu pour l'instant, c'est à l'air très très frais et très très... Ils se prennent pas au sérieux, quoi. Voilà, ouais. Et justement, c'est le seul point positif que j'aurais à dire, en fait. C'est-à-dire que ça, ils ont l'air d'avoir... pris le parti un peu à la Avengers, c'est-à-dire on va s'amuser un peu avec la propriété qu'on a entre les mains. Ça a l'air relativement sympathique sur ce plan. Après, c'est pour tout le reste, c'est-à-dire que ça fait très... La palette de couleurs, disons que ça fait partie de ces films qu'on doit regarder avec les rideaux fermés quand on le regarde chez soi en plein jour, parce que sinon on verrait que dalle. Ouais, c'est vrai. Et les images de synthèse, j'ai très peur que ne serait-ce que 3 mois après la sortie du film, ce soit déjà dégueulasse et totalement dépassé. Parce qu'il n'y a que ça. C'est du fond vert en permanence et des images de synthèse partout. Et le film risque d'être assez hideux niveau visuel au bout d'un petit moment. Mais je trouve que Cyborg, il a un petit truc qui va pas, non? Je sais que Faye aime pas trop le look de Cyborg. Très cool. Non, mais moi je trouve il a un truc qui rend vraiment mal. Enfin, ça se voit que c'est pas fini. Des images. Ouais, il est fait avec des graphismes de PlayStation 2. Ah ouais, non, mais j'ai l'impression de voir un truc assez carré. Mais ça m'a fait pas mal penser. Je sais pas si ça vous a fait penser aussi, mais aux origines de Jim Lee et Jeff Jones. Non. Je sais pas, dans le côté bourrin et en mode on se prend pas la tête. Bah après, ils ont pris simple, hein, grosse bande d'aliens dirigée par l'un des plus gros méchants de l'univers. Ouais, voilà, ça c'est très Thanos finalement, enfin c'est très Avengers dans leur gestion du truc, en fait, mais c'est un classique direct, de DC. Ils ont fait direct, ils sont passés de Man of Steel à Infinity War direct. Ouais, bah on l'a dit plusieurs fois qu'ils rushaient en permanence, mais bon. Mathieu, t'en as pas parlé encore. Bah alors, j'ai rien vu de nouveau, mais rien. Ouais, c'est ça. Rien du tout. Si t'as vu du Cyborg, on n'avait pas Cyborg. je préfère presque Deathlock que tu vois dans Agent of Shield visuellement pas. Oh non, mec. Ah, si. Non, il y a vraiment pas grand chose de nouveau. Ouais, on va forcément le comparer à Avengers dans le genre super héros méta humain qui se la joue cool. Je rejoins Johnny. Alors c'est qu'une bonne annonce. Hein, on va arrêter de se palucher 5 minutes, mais ouais. Ça a l'air très artificiel. Ça a l'air vraiment bon. Alors là, c'est le moment où on fait un lien entre les personnages. Là, on tape. Là, on va montrer. Oui, c'est une annonce en même temps. Non, mais même dans c'est pas l'impression que c'était vraiment construit. Il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les personnages. Encore une fois, c'est vrai que c'est qu'une bande annonce. Mais moi, je vous suis vous en demandez beaucoup pour un truc de 5 minutes. Hein. Bah, Zack Snyder, pour l'instant, au niveau alchimie entre les personnages et construction des personnages, il y a quand même le nez en total. Moi, j'aime pas mal ce qu'il fait, mais là, pour le coup, et puis je suis quand même très inquiet pour la suite, parce que si ça se prend un four, ça va être un peu compliqué, quoi. Mais ouais, à mon avis, même s'ils y vont à fond, c'est funky, c'est les Avengers, allez, grosse franchise, 200 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'on n'a pas déjà vu avant, quoi. Je viens de découvrir à quoi ça m'a fait penser dans une moindre mesure, parce que c'était pas aussi dégueulasse. Mais vous voyez Gods of Egypt? Non, je l'ai pas vu, mais oui. Voilà, le truc rempli d'images de synthèse dégueulasse en permanence. Et en fait, je me rends compte que cette bande-annonce de Justice League, si c'était pas Justice League, ce truc serait passé comme une lettre à la poste. Personne n'aurait fait aucun commentaire, parce que si c'était un truc pas connu, personne n'aurait regardé en fait, et personne n'aurait rien dit de particulier. Dans la Galaxie, c'est que de la CGI aussi, et que du. Pas que justement, parce que là, ils avaient des vrais décors, la majorité des acteurs avaient des costumes sur eux, etc. Alors que là, il y a beaucoup d'images de synthèse, et même au niveau esthétique et dans dans ce que la bande-annonce promet comme contenu dans le film, ça a l'air tellement classique, tellement déjà vu, que si c'était pas Justice League, les gens auraient juste dit OK. Ok, bon, on va passer. Vous êtes très méchant, sachez-le, je vous le dis. Moi, ça va, j'étais gentil. Pas venu. À part Thomas, merci toi. moi, j'aime beaucoup ce. Je suis très hypé, j'attends. Je suis dans le hype train. Je conduis le hype train jusqu'à novembre 2017. Et j'attends que ça, ça va être génial. Passons à un truc qui me hype un peu moins. Et plus j'en vois, plus je me dis. Attends, tu veux dire que les gars, ils vont sortir un mois avant Star Wars Ouais, je crois que c'est ça. Ils veulent se flinguer, c'est ça. Il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Dis ça au box-office. Ouais. Si, un peu quoi. Du coup, Spider-Man. Ouais, voilà, Spider-Man Homecoming. Donc, nouveau trailer. Bon, comme c'est Thomas qui avait commencé, on va commencer par Juni. Vas-y. Là, pour le coup, autant j'étais pas nécessairement chaud parce qu'on a déjà eu plein de films avant. En soi, le concept de revoir Spider-Man au cinéma m'intéressait pas des masses. Autant cette dernière bande-annonce là, elle en dévoile pas mal, un peu trop. Mais pour le coup, elle donne une idée que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il table sur le fait qu'on a déjà vu Spider-Man avant seul, on sait qui il est, donc il n'y a pas besoin de repasser sur Oncle Ben et machin, et surtout, ils ont pris un angle qui est l'angle du teen movie, c'est-à-dire que c'est vraiment typiquement l'adolescent qui a besoin de se construire, et le scénario en fait tel que ça a l'air parti, c'est-à-dire qu'il prend Iron Man comme modèle, genre c'est mon héros, j'ai envie d'être comme lui. Et ils prennent un thème qui est classique dans les teen movies et qui marche relativement bien, c'est-à-dire le héros commence pas sûr de lui, il doit apprendre à se construire, et à la fin du film il est devenu lui-même. Et s'il part dans un angle comme celui-là, à mon avis ça pourrait être sympa. Le truc principal que j'apprécie, c'est qu'il y a la palette, il y a la palette colorée, il y a le type d'humour qu'ils utilisent, l'action, etc. En fait, le film en lui-même, ça n'a pas l'air d'être révolutionné quoi que ce soit, que ce serait le type de film que tu vas voir un dimanche matin tranquille pour te faire plaisir. Ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment celui qui a vraiment l'air de le plus prendre ce parti-là, c'est-à-dire tu vas le voir en tranquille avec tes gosses un dimanche pour te faire plaisir pendant 2 heures, ça révolutionnera pas ta vie, mais ça se prend pas non plus pour plus gros ou plus important que ça l'est. Tu crois vraiment que c'est les attentes qu'ils ont dû autour du... Franchement, j'ai l'impression que c'est ça, parce que le film a pas l'air de vouloir changer grand-chose. D'essentiel, c'est qu'ils arrivent à faire un film Spider-Man qui soit divertissant et fun pendant 2 heures, parce qu'après tout, le fait est qu'on leur demande pas plus que ça. Tu fais un truc avec un bon Spider-Man dedans, ça leur suffit amplement, et franchement, moi aussi, hein, je leur demande pas un chef-d'œuvre. Moi, ce qui me pose problème, c'est Tony Stark. Je trouve qu'il est trop omniprésent. Ouais. Déjà que j'en peux plus de Tony Stark dans les autres films Marvel, mais là, de l'avoir encore. J'ai peur que ce soit Tony Stark et Spider-Man. Moi, c'est le principal défaut que j'ai relevé de la bande-annonce, c'est que j'ai l'impression que Tony Stark était un peu trop présent. Et en fait, j'aime pas trop l'idée que ça soit son parrain Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est à la base Peter Parker, c'est un mec qui se crée lui-même ses toiles, c'est l'un des plus grands cerveaux de l'univers Marvel aussi. Donc, je comprends pas pourquoi il aurait forcément besoin de Tony Stark après. Bah justement, c'est pour ça que je disais que l'angle qu'ils ont pris me plaît, parce que justement la présence de Stark me faisait chier pas mal aussi, et justement l'angle de je me base sur lui comme modèle, et ensuite dans la bande-annonce on le voit, Tony Stark lui dit je te reprends le costume parce que si t'es pas capable de débrouiller sans, t'as pas le droit de l'avoir, tu devrais pas avoir le droit d'avoir un truc pareil dans les mains. Et justement ça le pousse à se retrancher sur ses propres capacités à lui en fait. Et justement, ils ont réussi à trouver un bon compromis où ils arrivent à ressortir tous les vieux gadgets qu'il avait quand il est sorti en comics dans les années après 70, un truc comme ça. Avec toute sa ceinture avec un flashlight et machin. Et je crois qu'il va avoir sa je veux pas spoiler ce qu'on va parler après, mais la Spider-Mobile. Je pense pas qu'ils iraient jusque là, mais ouais, ils ont réussi à trouver un compromis qui, à mon avis, est assez intéressant. C'est-à-dire, on apporte un personnage qui peut lui donner tous les gadgets habituels qu'on voit utiliser dans la bande dessinée, mais en même temps, on arrive à lui donner une raison valable et cohérente de se pousser sur. À l'intérieur même de lui-même, on va dire, pour trouver comment fonctionner en tant que personne et pas juste en tant que copie de Tony Stark qui l'adule. Mathieu ? Oui, alors c'est la première bonne annonce, c'est exactement comme Justice League, j'avais rien vu de nouveau, ça m'avait pas emballé. Limite, je pense pas que ça m'intéressait pas du tout en fait. Quoi. Et là, pour le coup, effectivement, mine de rien, alors je comprends que Tony Stark peut irriter un petit peu, mais le fait qu'il soit, ça soit quelque part son mentor tout en étant totalement son antithèse, parce que l'autre est parfaitement arrogant et borderline sur plein de trucs, gavé de défauts, alcoolique et compagnie, alors que Spider-Man, à peu près à cet âge-là, était plutôt perdu, naïf et gavé, lui, de bonne volonté. Ça, c'est une idée qui était pas, c'est un angle qui est pas inintéressant. Après, oui, je pense pas que, enfin, ça n'avait pas l'air non plus de casser trois manivelles. C'est Recette Marvel, ouais, Recette Marvel. J'ai vraiment l'impression qu'ils font, ils font un titre de film et derrière ils disent bon les gars, on a trois mots clés à mettre et on fait tout le film là-dessus. Oui, là t'auras teenage, fun et Tony Stark comme mots clés et puis ouais, t'auras deux heures de cool. J'en attends vraiment pas grand-chose par contre. Hein, je vois pas comment. Ouais, moi, donc, enfin, je pense que personne en attend. Moi j'attendais grave le film quand ils avaient annoncé Spider-Man dans Civil War, que j'avais vu dans Civil War, et la bonne annonce, du coup je me suis dit ouais, bah, ils veulent pas faire un truc un peu nouveau quoi, c'est vraiment recette Marvel. Bon, après Spider-Man, quelque chose de nouveau, ça va être compliqué à vendre, hein. Il y a eu cinq films déjà. Tu mets supérieur ou un truc comme ça pour l'inconscient, bah, on en parlait un peu, je crois. Sur Facebook, pour l'inconscient collectif, Spider-Man c'est ça, tu retournes dans tous les sens. Ça ressemble quand même à un gros outil marketing qu'ils ont récupéré de chez Sony. Il y a tellement une grande mythologie sur Spider-Man que... On va en parler après, puisque c'est le thème de l'émission, ouais. je vous le rappelle. Je vais enchaîner avec un petit truc qui moi m'a fait un peu chier, c'est... Je ne sais pas si vous savez qui est Amy Pascal. Toute personne ne sait qui est Amy Pascal dans la table. C'est la personne très raciste et très peu sympathique qui est à la tête de Sony, qui avait il y a quelque temps. Des mails d'elle avaient fuité et où elle balançait des trucs, mais. Disons que c'est étonnant qu'elle soit encore au taf. Et en fait, elle a rien eu. Enfin, le pire, c'est qu'il y a eu des trucs comme ça. Elle a juste eu un changement de nom de son taf. Ah. Mais niveau responsabilité et pognon, aucune punition. Enfin, c'est chaud quand même. Et cette personne a dit qu'il y aurait deux films homecoming et que Spider-Man reviendrait chez Sony après. Ouais. Mais c'est un truc bizarre, c'est parce qu'ils veulent faire un. Je pense c'est parce qu'ils veulent faire leur propre film Venom. Mais vu que Venom appartient pas à Marvel Studios, ça veut rien dire. En gros, on aurait le film Venom et ensuite on intégrerait Spider-Man à Venom. Je comprends pas comment on peut faire un film Venom en mettant Spider-Man sans Spider-Man. Mais c'est pas juste Venom, ils veulent faire un film avec Silver Sable et Black Cat aussi. En fait, ils veulent lancer leur propre univers partagé de super-héros uniquement centré sur des personnages secondaires de Spider-Man sans Spider-Man dedans. C'est complètement débile. C'est ça le niveau d'intelligence qu'ils ont, c'est extraordinaire. Ils voulaient faire un film avec les 4 fantastiques. Ce serait génial, un film Tante-Mère. Moi je veux un film, je prie pour un film G. Jonah Jameson. Ce serait génial. Mais il y avait une série de comics sur May, écrit par Mark Millar quand elle était jeune. Ah oui, où elle est espionne ou je sais pas quoi. Où finalement elle est la mère de Peter Parker. Ouais, et elle se tape des gens. C'est un peu une info. Chez Captain America. Comme on est sur Spider-Man, on va passer. Mais j'ai mes sorties de la semaine. Bon, je vais faire vite fait les sorties de la semaine. On va faire la première pause musicale qui est dans le thème de Spider-Man. Grâce à Juni. Ouais. Je tiens à le dire. Les sorties de la semaine, j'en ai retenu 3 parce qu'il y a beaucoup de sorties, mais il y en a que 3 qui m'ont hypé, sachant que je vais pas faire All New X-Men 25 et ce genre de trucs. Il y a Phonogramme qui sort chez Glénat, le tome 1, donc de Karen Gillan et de James McKelvey. Pendant que le téléphone de Mathieu sonne. C'est Sony, ils viennent m'appeler, c'est scandaleux ce qu'on vient de dire. On ne s'excuse pas. Ils ont envoyé le chèque ou pas? Oui, ils ont quand même envoyé les. C'est un peu le pendant punk de The Wicked and the Divine. Alors, c'est dans un monde où la musique est une magie, un sorcier du son va enquêter sur la mort de Britannia, une déesse de la pop. Ça avait l'air d'être assez sympa. Et voilà. C'est qui scénarise? J'ai pas écouté. C'est Karen Gillan et Jamie McKelvey. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le pendant punk de The Wicked and the Divine. Donc ça n'a pas l'air de vous hyper beaucoup, donc c'est pas grave. On va enchaîner sur la deuxième sortie, c'est All New Punisher numéro 1 chez Panini Comics de Becky Cloonan et de Steve Dillon. C'est les derniers épisodes sur le Punisher de Steve Dillon qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et voilà, si vous voulez voir le Punisher qui se débat avec un serial killer qui collectionne le visage de ses victimes. C'est ça le pitch? Ouais. Ah, mais ils l'ont pas lu alors. Hein. Mais c'est pas ça? Ouais, il y a les personnages, mais il se bat surtout contre un gros cartel de drogue. C'est Becky Cloonan qui scénarise, c'est une fille pour une fois, c'est pas non plus un projet girly. C'est badass, ça révolutionne rien la mythologie du Punisher, mais ça ne veut absolument rien révolutionner. Par contre, c'est vraiment badass, c'est caution violent. C'est approuvé par Mathieu. Si vous voulez lire un truc qui prend pas la tête où il y a des morts, du sang et des tripes, ouais. Donc c'est chez Panini pour 15€, donc c'est bien. Voilà, pourquoi pas. Et le dernier, c'est Shrenfruit qui sort chez Delcourt. Alors c'est Mark Waid et Jones Jige qui fait un espèce de pseudo Superman, mais Superman qui serait atterri dans les années 30 au sud des États-Unis et qui serait noir, donc en plein période c'est d'esclavage. C'est une mini-série, alors c'est ça. Ouais, vrai. Il y a que 15 pages. C'est le nouveau Red Son, quoi. Voilà, mais aux États-Unis pendant la période de l'esclavage. Non, les années 30. Ça pourrait être pire. Non, c'est pas les années. Pas de, ouh, je dis n'importe quoi, moi. Pas ça, c'est moi, les, moi, prohibition. Moi, ouais, voilà. Donc, et le Mississippi qui menace d'inonder plusieurs films. Attends, je sais pas parler. Villes. Voilà. Et donc, voilà. Ce personnage va devoir se battre contre les a priori. Ça pourrait être pire, et tout ça. Pour arriver maintenant. Oui, oui, bah oui. Avec Trump, et il devrait construire le mur. Ouais. Voilà, on a lancé un pitch. C'est super chicken. Juni, si tu as envie de le dessiner, on te le laisse. Et on va passer à la pause musicale. Ouais, vaut mieux. Ouais. Qui, je sais pas. Ouais. Parce que c'est Nickelback Hero. Donc je vous laisse juger sur la pertinence de ce titre. Et je vous dis à tout de suite. Et c'était Nickelback Hero, on tirait de la BO du premier film Spider-Man. Et je vais faire mon coming out. Je n'aime pas les Spider-Man de Sam Raimi. Et je n'aime pas cette chanson non plus. C'est putain pas grave. De merde. Oh, ça balance. Tout à l'heure, on se disait avec quoi on a découvert Spider-Man. Et bah, moi, c'est avec ça que j'ai découvert Spider-Man. Yeah. les micros devaient être restés ouverts. Du coup, on a parlé pendant 5 minutes pour rien. Ah ouais. Donc, c'est pas grave. Juste en train de dire, c'est avec ça que j'ai découvert Spider-Man. Et Thomas disait qu'il avait. Ouais, que j'avais découvert aussi bah, Spider-Man avec cette série. Et du coup, avec le film de Sam Raimi. Mais ouais, je kiffais trop cette série. Et puis, même, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de la regarder. Enfin, regarder quelques épisodes comme ça. Parce que rien que ce qu'ils ont fait avec Venom et tout, c'est excellent dans cette série. Oui, le générique. Et tout, Mais ça respecte super bien en plus le comics, quoi. On prend vraiment tous les personnages, ils sont vraiment tous bien faits. Enfin, cette série elle est vraiment géniale pour tout. Par contre, la VF elle est horrible et Mary Jane s'appelle Marie-Jeanne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La bonne Marie-Jeanne. Ça c'est génial. Alors, Marie-Jeanne. Ça c'est génial. Elle détend les gens. Alors, bah, on va faire le tour de table. Avec quoi, toi, Mathieu? Je pense que comme t'es un peu plus vieux, hein, on va pas entendu plus fort. Avec quoi tu as découvert Spider-Man? Oui, alors je vous ai dit un truc off. En fait, c'était pas ça. Je me rappelle maintenant. En fait, non, j'ai commencé à parler du X-Men et bah, j'ai connu Spider-Man sans le lire en fait, parce que le personnage était très connu par ailleurs et que le gars chez qui j'ai découvert mes comics en avait quelques-uns. La première fois que j'ai lu du Spider-Man où il était dedans, c'était le défi de Thanos, qui est donc le gros crossover qui est en train d'être adapté par Marvel au cinéma. Ouais. C'était début 90 je crois, où il faisait la caution un peu fun, un peu funky, et il va se battre contre Thanos qui est les gemmes de l'infini, ce qui est parfaitement ridicule, mais il le fait avec humour. Du coup c'est le seul qui s'en sort un peu honnêtement, quoi. Et du coup est-ce que tu te souviens de ce que tu as le premier truc que tu as lu de Spider-Man? Alors après, du coup, peu de temps après, je crois, j'avais acheté un peu au pif, parce qu'à l'époque, bon, internet, hein, c'était pas trop ça, donc on allait chez les marchands de journaux et t'avais 0,2% de la production de comics, donc tu faisais un peu ce que tu pouvais. Et je me rappelle avoir vu un truc super sympa avec en binôme avec Doctor Strange qui s'appelle Outre-Monde. Alors le scénariste, tout ça, je n'ai pas la moindre idée, je me souviens plus. Et il se partait dans une dimension parallèle avec des démons. Et le binôme entre les deux était marrant. T'avais Strange qui était un peu le vieux qui sait, et le petit con à côté qui sautait partout et qui se foutait complètement de ce qui se passait. Et c'était cool, c'était funky. Ouais. Johnny, t'en as parlé tout à l'heure, mais tu peux le refaire. J'avais 9 ou 10 ans du coup, et à cette époque-là, je passais le plus clair de mon temps dans mon jardin, jusqu'au jour où ma mère regardait la télé et m'appelle en hurlant parce qu'elle voulait me montrer un truc à la télé, et c'était le clip de la musique qu'on vient de passer, du coup, le Hero de Nickelback. Et ça fait partie de ces trucs où quand t'es petit, tu vois ça pour la première fois et ton cerveau explose. Ah, je comprends pourquoi tu kiffes en fait. Et tu dois récupérer tes morceaux de cervelle sur les murs et les remettre en place ensuite. Ça te montre, ça grandit d'un coup. Ah, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le perso. Et du coup, je suis allé voir le film au cinéma et c'était extraordinaire et j'étais très content. Là, avec le recul, c'était moins extraordinaire. Par contre, le deuxième, je le considère toujours comme un pur chef-d'œuvre. Ouais, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros. Voilà, ça rejoint bien. Et le premier comic que j'ai lu, j'avais 11 ans. C'était un copain qui me l'avait passé, ça s'appelait, en France ça s'appelait Le Cauchemar, et en gros le scénar du truc c'était... Alors déjà ça m'a changé pas mal moi, ma vision de Spider-Man, parce qu'il avait dans les 25 en max on va dire, il était prof à l'école, et il y avait le bouffon vert qui était revenu pour lui faire une espèce de torture psychologique en lui expliquant en gros Gwen Stacy elle t'a trompé, elle couchait avec moi, et moi aussi j'ai souffert quand elle est morte. Et du coup tu passes tout le bouquin à les voir se taper dessus tout en voyant le bouffon vert essayer de le manipuler pour qu'il rejoigne l'entreprise familiale. Ouais, voilà, c'était particulièrement perturbant comme truc. Umberto Ramos, voilà. Et c'était commencé avec du Ramos sur Spider-Man, c'est génial. Non mais c'est quand il commençait, il avait pas le même style, c'était bien plus caricatural les personnages. Ah ouais, avec C'était moins un comics que maintenant, on va dire. Donc, c'était mon premier bouquin que j'ai lu. Et puis ensuite, j'ai lu du Ultimate Spider-Man. J'ai absolument tout lu, jusqu'à la mort de Peter. Et puis ensuite, j'ai commencé à lire un peu à droite, à gauche, en fait. Mais du coup, ouais, ça a commencé. Je fais partie des gamins pour lesquels ça a commencé avec le film. Ok. Et tu veux finir Moi, avec quoi j'ai commencé en comics quand j'étais petit, j'allais en librairie. Je m'achetais les petits Ultimate Spider-Man. C'était un tout petit format sorti chez Panini, et aussi le tout premier, je l'ai encore, je m'achetais des Spider-Man magazine et voilà. C'est avec les jeux dedans et tout. Il y avait même un Docteur Octopus qui, je me rappelle, c'était ça le premier que j'avais lu, c'était Docteur Octopus qui s'alliait à Carnage, et ça donnait un truc vraiment spécial, mais... Ouais, il y avait aussi un épisode avec Dr. Connors, et puis voilà. Mais moi, je l'ai déjà dit, j'ai commencé les comics avec Strange, donc avec les vieux Strange dans les bouquinistes. Bon, je l'ai déjà dit 40 000 fois, mais c'est pas grave. Et bah, du coup, je pense que j'ai commencé avec. Dans Strange, il y avait toujours du Spider-Man, et c'était les vieux runs de Spider-Man. Je saurais même pas vous dire quel c'était. Qui avait, mais c'est. les vieux trucs si t'as commencé pendant les années 2000, c'est forcément Straczynski. Non, c'était pas les années 2000, du coup c'était des vieux trucs qui sortaient parce que j'ai acheté vieux comics en fait d'occasion et c'était cool. Voilà. Quelqu'un a envie de présenter le personnage un peu, parce qu'on en a pas parlé en fait, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Spider-Man. C'est possible. Mathieu. Moi je connais pas, en fait je connais pas plus que ça, moi ça fait partie de ces familles de comics que j'ai zappé total. Ah ouais, donc, bon bah Thomas. Je te présente. Vas-y. Mais en par fait contre, t'aurais dû venir pour l'émission X-Men. Ah bah oui, mais du coup c'est quoi l'année exacte? Quelqu'un? Non mais on s'en fout de l'histoire. Okay. C'était en mars. Bah en mars, ok. Bah t'as en mars, jeudi, il pleuvait. Bah, pendant les années 60. Ouais, c'est 66, pendant les années 60, Stanley et Steve Ditko décident de créer le personnage de Spider-Man. Et donc c'est surtout le... On dit souvent que c'est Stan Lee qui a écrit la plupart des personnages, mais ça, le personnage va surtout être inspiré de Steve Ditko, parce que même si on regarde sur les planches des toutes premières, bah, Peter Parker ressemble beaucoup à Steve Ditko et va apporter beaucoup de sa vie à lui-même, Steve Ditko en gros. Et voilà, c'est à partir de ces deux personnages, de ces deux auteurs qu'est né Spider-Man. Et bah ensuite le personnage s'est beaucoup développé et dès le départ on voit direct qu'il y avait une grande idée sur ce personnage parce qu'on nous présentait... Tu ne l'as pas encore présenté le personnage. Ouais, parce qu'on nous présente tout d'abord comme un orphelin qui a plus ses parents et qui vit avec son oncle et sa tante et on ne sait pas pourquoi. Après il va se faire piquer par une araignée radioactive et avoir les pouvoirs de Spider-Man, c'est-à-dire une super force, le pouvoir d'adhésion sur les murs et son sixième sens, le sens de l'araignée. Et non, il n'a pas de toile, c'est lui-même qui se l'est créé parce que Peter Parker est un petit génie, voilà. Mais au départ il est un peu arrogant et il va décider d'utiliser ses dons pour devenir un catcher. Et oui, comme croient que The Amazing Spider-Man et bah c'est plus fidèle, mais Sam Raimi était bien plus fidèle et donc du coup il va devenir catcheur et son oncle va se faire tuer. Et à partir de là, il va apprendre que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Comment il expédie la mort de l'oncle. Ouais. Bon, ça, c'est la partie la plus importante, mais c'est pas grave. Ouais, bon, voilà. Il est mort, c'est bon, allez. Mais en fait, le mec qui s'occupe du catch se fait braquer par quelqu'un. Il le laisse s'échapper. Mais si, dans le comic, c'est pareil. Ouais, il le laisse s'échapper et en fait, c'est cette personne-là qui a tué. Qui tue son grand-père et. Son grand-père. Ça part en couille. C'est pire en pire. Donc il tue l'oncle Ben et c'est là qu'il prend ses responsabilités et qu'il décide d'utiliser ses pouvoirs pour le bien. Oui, puis même le Peter Parker de base, le perso a très très bien marché parce que c'était un peu l'étudiant boutonneux, timide, qui fantasmait sur la magnifique Hollande et qui arrivait du mal à qui fait qui du mal. Mais en fait, le truc de Spider-Man, c'est que c'est le personnage qui a une vie de merde. Il s'en prend plein la tronche tout le temps. C'est pas terrible. Sachant qu'au début, il n'était pas. Comment dire, il y a beaucoup d'idées préconçues sur la personnalité de Peter Parker et beaucoup ont l'air de pas savoir qu'au début il était particulièrement pas sympathique comme personnage. Ouais, au départ il était dans sa vie au quotidien, aller au lycée, c'était l'un des gamins les plus insupportables que j'ai jamais vu de ma vie. Le gars était d'une arrogance phénoménale, il était insupportable et agressif avec les gens. Il y a des cases où je me disais c'est normal que Flash Thompson te tape dessus. Il s'est assagi avec le temps. Donc au fur et à mesure surtout que surtout dans les tout premiers épisodes où il est assez arrogant et qu'il pense vraiment qu'à lui-même en fait. Il est très égocentrique. Quand il a ses pouvoirs, il va penser direct à se faire des thunes en fait. Tout le monde ferait hein. Ouais. Et c'est pour ça que les gens sont vite identifiés à lui parce que il est vraiment humain, il a ses défauts et il va tout faire pour s'améliorer et c'est un personnage qui évolue beaucoup beaucoup au fur et à mesure dans le temps jusqu'à je vais en parler après le run de Straczynski. on va enchaîner avec pourquoi, si vous avez deux raisons pour lesquelles vous aimez Spider-Man. On va commencer par Mathieu, ça va être le plus court à mon avis. Ses ennemis, parce qu'il a une galerie d'ennemis qui est quand même assez exceptionnelle. Ouais, on en parlera et après. Et puis en fait on vient de le dire, c'est quand même sympa. Et puis il est fun, c'est marrant. Voilà, il est marrant, c'est un personnage qui fait beaucoup de vannes et tout. Voilà, donc c'est quand même ça détend à lire du Spider-Man en général. Johnny. Un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un perso qui est pas très compliqué à comprendre de base. Il vit dans un environnement qui est assez compréhensible, etc. Et puis surtout, il a une galerie de méchants qui peut aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Avec Batman, je pense, c'est les deux vraiment super. Voilà. En fait, c'est un personnage qui est assez facile à. C'est assez facile de s'identifier à lui en fait, parce qu'il a des problèmes assez en rapport avec ce que la personne de tous les jours va connaître, et c'est un des traits de personnalité qu'il partage avec Superman que j'aime bien, qui est qu'au-delà de ses super-héroïsmes, il a un train de vie absolument normal, et quand je lis ses histoires, je peux... comment dire, il y a ce côté fantasy en fait qui est beaucoup plus intéressant forcément, mais chaque fois que ça se calme un petit peu et qu'il a des moments de vie de tous les jours avec sa tante ou quoi, c'est, il y a un truc rafraîchissant dedans en fait, qui change pas mal d'autres personnages qui ont des vies au quotidien qui ont strictement rien à voir avec ce que je pourrais vivre dans ma vie normale. Donc tu t'identifies un peu plus que le reste en fait. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça qui fait la force du personnage, ouais. C'est que tout le monde peut s'identifier à lui aussi parce que il a un côté assez urbain, c'est, il vit dans le Queens et on vit, enfin voilà, c'est un héros urbain un peu comme Daredevil ou quoi. Et bon, après bien sûr il, quand il part rejoindre les Avengers ça va partir en couille, mais à la base c'est un héros urbain. Et oui, sa galerie de méchants aussi qui est tout aussi bien que celle de Batman finalement. Ouais, tout aussi bien, je sais pas, mais ah, elle est très bien. Très bien. Bah, d'ailleurs, comme on en parlait... Meilleurs vilains de Marvel viennent de Spider-Man. Votre vilain préféré, sachant que je me garde Mysterio. Bah, tu veux... personne va le prendre. Ouais. Mais si, il est trop bien, Mysterio. Donc, bon, le même... Bah, on va changer de temps. Thomas, ton vilain préféré de chez Spider-Man. Bah, le bouffon vert, vraiment, Norman Osborn, c'est le plus grand vilain de Spider-Man, et c'est celui qui lui en fait bouffer le plus sa mort, avec la mort de Gwen Stacy et plein d'autres trucs, quoi. C'est vraiment un personnage horrible et qui est pour autant très intelligent. Johnny ? Ouais, pour moi aussi c'est le bouffon ou Green Goblin, j'aime bien l'appeler comme ça. Et sinon il y a Octopus, c'est le plus connu après le bouffon généralement. Venom surtout qui est très connu. Autant celui du deuxième film de Rémi était très sympa au début, autant j'étais très surpris, même agréablement surpris de découvrir que le Octopus de la bande dessinée c'est un égocentrique insupportable, phénoménal, qui va même dans le sadisme parfois, et il y a une espèce de il y a une antithèse entre lui et Peter en fait, dans leur personnalité, leur manière de fonctionner, alors que pourtant ils ont un peu comme le Joker et Batman, on peut trouver des petits oui, ils se ressemblent beaucoup, ça, voilà, il y a des petites ressemblances dans leur personnalité qui font que Spider-Man aurait pu avoir une très mauvaise journée et il aurait fini comme Octopus pour le coup. Mathieu ? Oui, bah, je ne suis pas trop original, je vais rejoindre Juni sur Octopus. Effectivement, il est parfois très très basique dans le comics, sauf à 2-3 endroits, dont celui dont je vais parler. Et je me rappelle d'un numéro que j'ai lu il y a quelques temps, qui est assez récent, où tu vois Spider-Man qui est en train de mettre une branlée à Octopus, mais vraiment, il le démonte totalement, quoi. Et en fait, c'est fait du point de vue d'Octopus, et tu vois qu'en fait, Octopus, il n'en peut plus. Mais il n'en peut juste plus, ça fait 200 fois qu'il se fait défoncer la gueule. Chaque fois qu'il prend un coup de poing, t'as une image, je crois que c'était Romita Junior qui dessinait. Tu vois en fait que ce sont des vieilles fractures qu'il avait pris il y a quelques années qui se rouvrent, et le comics fini, le mec est pitoyable, il est au bout du rouleau, il a tout perdu tout le temps. Mais systématiquement. Tout début de Super Spider-Man, il est vraiment au bout du rouleau, il n'en peut plus. Et du coup il a cette dimension là que j'ai pu lire à droite à gauche, que j'ai pas forcément vu. Le mec est en fin de carrière. Voilà, le mec est en fin de carrière, il s'est fait, après tout, il s'est fait démonter pendant des années, il en peut plus, c'est bon, il laisse tomber, quoi, il craque. J'avais vraiment bien aimé ce côté assez rafraîchissant pour un super méchant, alors que la plupart ils reviennent toutes les 3 semaines après avoir pris des tollés. Il y en a plein qui se dit à un moment donné, bon, je vais peut-être arrêter faire autre chose, quoi, c'est bon. Tous les jeudis je me fais tarter, j'en peux plus, quoi. Alors moi je l'ai déjà dit, c'est Mysterio, je pense que c'est grâce au dessin animé, parce que vraiment, je trouve qu'il a un design qui est assez particulier. Certains pourraient dire que c'est moche. Mysterio, c'est What the fuck, il a une boule de cristal à la base de la tête. Il a une hein. Espèce d'aquarium sur la tête, et en fait c'est un personnage qui est un ancien expert des effets spéciaux au cinéma, et qui utilise ses pouvoirs d'effets spéciaux. Ses pouvoirs d'effets spéciaux. Il utilise ses connaissances. C'est un illusionniste. Voilà, ses connaissances des effets spéciaux pour faire croire qu'il a des pouvoirs et essayer de manipuler les gens autour de lui et manipuler Spider-Man. Dans le dessin animé, je trouvais vraiment très impressionnant. La dernière fois, j'ai relu Old Man Logan, et Mysterio, en fait, c'est un putain de gros bâtard. Enfin, je spoil pas, mais est-ce que tu vois ce qu'il a fait? Oui, oui. Et là, je me dis, ah, quand même, il pourrait faire de la grosse merde, quand même, Mysterio. Et... Mais ce qui est marrant avec les vilains de Spider-Man, c'est que c'est des vilains qui pourraient être super, super forts, mais au final, ils ont tous un petit côté un peu pathétique qui... tu vois, le vautour, où c'est quand même des gens qui ont des pouvoirs assez impressionnants. Le lézard, Octopus ou... Mais ce qui est cool, c'est que la plupart de ces méchants, en fait, sont presque de base, enfin les plus connus, ils sont tous humains, c'est un peu ça qui fonctionne bien avec Spider-Man. Le bouffon vert, il est humain, Docteur Octopus, Venom, enfin voilà. Venom, il est pas trop... Bah enfin, Eddie Brock. Eddie Brock est... ils sont tous un peu schizophrènes aussi. Il hein. y a beaucoup de gens qui kiffent vraiment Venom. Je l'aime bien comme personnage, mais pas. Ah, moi je kiffe Venom, mais je préfère le bouffon vert finalement. Mais Venom, ouais, enfin ah, quand Venom, c'est du Brock. Il est bien en Darkseid de Spider-Man, ce que voilà, ce qu'il aurait pu tourner si jamais. Ouais. Mais après, oui, ça reste quand même un perso basicos. Bon, j'ai demandé à chacun de présenter le run qui les avait marqués ou le titre qui les avait marqués de Spider-Man. Et ben, on va commencer par. Qui c'est qui veut commencer? Mathieu, tu veux commencer? Allez. Alors, moi je vais vous parler de Superior Spider-Man, qui est une maxi-série de 33 numéros qui est parue aux États-Unis entre 2013 et 2014 et qui fait suite au fameux numéro 700 de la série principale Spider-Man. Avec la couverture d'un Français. Avec la couverture de Monsieur Garcin. Dans lequel Spider-Man, Peter Parker, meurt à la fin de l'épisode. C'était. Il meurt dans les comics. Une mort de Spider-Man, une mort de comics, je veux dire. Voilà. C'était Dan Slott qui scénarisait. Alors, Dan Slott, c'est un grand scénariste américain, quand même, notamment sur Spider-Man. Il est sur la série depuis 2010. C'est quand même une belle longévité parce qu'il y est encore. Vous l'avez plus croisé peut-être sur Silver Surfer aussi, il y a pas très longtemps, où il a fait du Avengers aussi autour de Civil War en 2006. Et. Au dessin, Ryan Stegman, Umberto Ramos, on en parlait tout à l'heure, et Giuseppe Camuncoli, qui sont trois bons, style un petit peu différent, un petit peu cartoon, un petit peu dark, mais trois bons dessinateurs. Et donc ce run, Superior Spider-Man, donc, qui se passe après la mort de Peter Parker, a fait énormément polémique, bien entendu, aux États-Unis, au point que le scénariste Dan Slott a reçu des menaces de mort très sérieuses sur Twitter, qu'il a dû dénoncer à la police, comme si Marvel allait tuer Peter Parker, bien entendu. Il avait même lui précisé d'entrée de jeu que c'était temporaire, enfin bon bref, c'était un peu ridicule. Et le plot, en quelques mots, c'est donc le Docteur Octopus, ce fameux génie, qui parvient, donc qui est en fin de carrière, comme je disais un peu tout à l'heure, qui parvient dans un dernier coup assez magique, assez génial. Qui a un cancer qui va mourir, en fait, qui est vraiment voilà, ce personnage un peu de l'ancienne école, et qui, au dernier moment, parvient à échanger son corps grâce à la science et son esprit entre Peter Parker et lui-même. Et donc, son esprit se retrouve dans le corps de Peter Parker. Peter Parker se retrouve dans le corps mourant d'Octo Octavius, de Dr. Octopus. Il meurt du cancer. Et là, la série supérieure Spider-Man commence avec un Peter Parker qui est possédé, en fait, complètement par l'un de ses plus grands méchants. Bien entendu, personne ne le sait. Et tout ce côté-là est vraiment assez, assez savoureux parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'on peut voir autour de la vie de Peter Parker alors que ce n'est plus lui. Et tout le principe de la série, c'est le supérieur Spider-Man, c'est-à-dire que Otto Octavius, qui a un gros problème d'ego, pense qu'il peut être meilleur que Spider-Man a toujours été, n'a pas été au niveau des pouvoirs ou des responsabilités qu'il pouvait avoir. Et au début du comic, ça marche pas mal, ça marche plutôt très bien. Il arrive à gérer sa vie professionnelle, sa vie privée, sa vie de super-héros, sa vie sentimentale, tout ça de manière presque meilleure que Spider-Man. Et au fur et à mesure que le run continue, on s'aperçoit que finalement il a quelques difficultés, et au final, bon, c'est pas un spoiler, Peter Parker est toujours coincé quelque part dans sa tête, et à la fin, alors que le bouffon vert se déchaîne totalement sur New York, même lui, Octavius, finit par réaliser qu'il n'est pas meilleur que Peter Parker, et c'est reparti à ce niveau-là. Et la série Amazing Spider-Man reprend avec un Peter Parker, Spider-Man, et tout le monde est content. En fait, tu as spoilé le run ouais, que tu... Ouais, là, non, en même temps, ça semble logique. Le fait que Peter Parker revienne, a priori, ça fait quand même deux ans que le truc est sorti. Surtout que le timing était... Enfin, ils l'ont fait un peu exprès. Il y avait le deuxième Amazing Spider-Man qui sortait au moment où ils l'ont fait revenir. Il affrontait Electro juste comme par hasard. Donc, c'est même l'un des trucs qui m'a un peu dérangé. C'est-à-dire que le concept de Superior était vachement cool. Cette idée de prendre Octavius et de le mettre dans la vie de Peter... Oui, c'était vraiment lui dire, bien. Maintenant, t'as les clés de la vie que t'aurais toujours voulu avoir. Vas-y, montre-nous comment tu te débrouilles. Et il a toujours ce problème de, il a son problème d'ego, il se prend pas pour de la merde. Et en même temps, il commence à sentir un peu la responsabilité. Il commence à se comporter un peu plus comme un héros. Et il aime ça en plus. Il a fait des upgrades à absolument toute la technologie que Peter avait. Il a créé des drones et des trucs de ceci. Ouais. Il a vraiment poussé la méthodologie Spider-Man à un point qui était génial, tout en se comportant comme un véritable trou du cul. Oui, avec tout le monde, c'est cool. Et le problème, c'est qu'ils l'ont arrêté en plein milieu et j'ai trouvé que la fin était trop abrupte par rapport à, au concept de base. Oui, ouais, t'as vraiment une bonne première partie où c'est assez plus psychologique, vraiment centré autour de le Spider-Man tout supérieur. Départ, ouais, c'est surtout sur la psychologie du perso et tout. Et après, c'est quand même très très dense. Je le conseille pas à ceux qui connaissent pas beaucoup Spider-Man, sauf si t'as envie de passer un peu de temps sur Wikipédia. Ouais, je pense que tu peux le découvrir quand même. Enfin, tu découvres pas Peter Parker. On va passer quand même. J'ai pas envie de vous couper, mais on a plus beaucoup de temps. C'est pas évident à lire, mais si jamais vous connaissez un peu la mythologie Spider-Man, c'est quand même assez intéressant parce que mine de rien, il y a un gros paquet de personnages secondaires qui arrivent. T'as Venom, t'as Cardiac, t'as le Bouffon Vert, t'as le Super Bouffon. Ouais. Donc c'est très dense, faut connaître un peu, mais c'est il y a quand même des passages très cool, sauf effectivement peut-être un dernier tir un peu rapide. Plus rapidement, Thomas, si tu fais. Ok, donc je fais rapidement. Oui, je suis désolé, j'ai pas vu, mes news étaient trop longues. Alors, moi, je vais vous présenter le run de Jim Akastranski et John Romita Jr. sur la série Spider-Man qui est sortie pendant les années 2000. Donc, c'est à peu près pendant les films de Sam Raimi. Et Jim Akastranski, qui est un scénariste aussi sur les séries TV, plein d'autres trucs, qui a fait notamment Sense8, Babylon 5, et au niveau comics, il a travaillé sur Thor, Rising Star. Enfin, bref, ok. Plus vite. Bon, d'accord. Non, mais tu peux passer sur les auteurs. Hein. Okay. Surtout sur Romita Jr. John Romita Jr., bah, lui, c'est un dessinateur qui a travaillé sur World War Hulk avec Mark Miller. Enfin, c'est un dessinateur qu'on met souvent là pour si on doit faire le travail vite. C'était un grand nom de Marvel à un moment. Ouais, mais maintenant, il est plus chez DC. Il fait du très bon travail sur Superman. Ouais, il est notamment un peu détesté par pas mal de monde. Dont moi. Par James et tout. Donc, du coup, dans ces années, Jim Akastranski va décider de bousculer un peu l'univers et la mythologie de Spider-Man, donc du coup on se retrouve avec un Spider-Man adulte. Il décide de devenir prof dans son ancien lycée, et du coup ça va permettre de voir tout le côté urbain et Peter Parker qui s'occupe de ses élèves qui vivent dans la street et le ghetto et tout ça, et on voit tout cet univers urbain de Spider-Man qui est pas mal développé et Peter Parker qui se soucie de ses élèves, et je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Mais le plus gros, et c'est là que Jim Akastranski en a mis le plus, c'est avec le personnage d'Eskel qui va arriver et qui va expliquer à Spider-Man que ses pouvoirs ne sont pas là pour rien et qu'il y a une sorte de mythologie de l'araignée derrière lui, et ça va renouveler tout le personnage, mais ça va être vraiment très très bien fait. Et de l'autre côté aussi, on a toute la vie personnelle de Spider-Man, enfin de Peter Parker du coup, avec Mary Jane, tout ça. Et c'est un run qui est indispensable, je pense, sur Spider-Man, et qui a été le plus acclamé parce que, enfin, vraiment, ce run est excellent de bout en bout, surtout au niveau du scénario. Après, dans ce run-là, on a le fameux épisode du 11 septembre, qui est très très connu avec la couverture noire de Spider-Man, où du coup bah, c'est sorti pour le 11 septembre, enfin quelques jours après le 11 septembre 2001. Et qui rend hommage pas qu'aux super-héros, mais aux gens qui sont des héros dans la vraie vie, qui ne portent pas de costume. Et c'est un des épisodes hyper cultes de l'univers du comics, on peut le dire. Est-ce que c'est un comic que tu conseillerais pour des gens qui n'ont jamais lu? Pour vraiment ceux qui ne connaissent pas le personnage de Spider-Man, bah vous n'allez pas l'avoir, le Spider-Man jeune, mais c'est un Spider-Man très très moderne et qui est accessible à n'importe qui, je pense. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment beaucoup ce run sur Spider-Man, okay. Et en tout cas moi c'est celui que j'ai préféré. Et John Romita Jr., bah franchement moi je l'ai trouvé pas trop mal sur ce Spider-Man. Après chacun a ses goûts, mais je trouve qu'il tient la route tout le long, il est hyper régulier. Et aussi vous avez dans ce numéro un des personnages les plus redoutables qu'aura affronté Spider-Man, Morlum. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille en tout cas. Ok, Juni, en un peu plus rapide. Ouais, alors, je me suis rendu compte en fait, en regardant un peu internet et les gens autour de moi dans ces 10 dernières années, que le grand public en général a une certaine idée de Spider-Man. Tout le monde a une idée de comment il devrait être en film, mais généralement ta grand-mère va avoir une opinion, mais elle a jamais ouvert un Spider-Man de sa vie. Oui, oui. Et du coup j'ai pensé à qu'est-ce que je pourrais recommander pour les gens qui justement n'ont jamais lu de Spider-Man et qui s'intéresseraient à tout ce qu'ils voient pas dans les films, tous les pans de l'univers de Spider-Man qu'on voit jamais. Et du coup j'ai pensé à un artiste qui s'appelle Chris Bacalo, Et l'intérêt en fait de Starkey, c'est qu'il a pas bossé sur beaucoup d'histoires, mais il a bossé sur des histoires très différentes les unes des autres. Donc en fait, j'encouragerai les gens à chercher tous les bouquins sur lesquels il a bossé sur Spider-Man. Ouais, c'est Amazing Spider-Man, c'est à partir du numéro 560 quelque chose, 556 je crois. Ça a été réédité dans Un Jour Nouveau, il y a Un Jour Nouveau, Un Jour Nouveau 2, je sais pas, Nicomics en Deluxe. Et le truc, c'est que le gros avantage des histoires faites par dessinées par Bacallo, c'est qu'il y a énormément d'histoires différentes et on peut voir Spider-Man donc adulte et non pas au lycée comme les gens ont l'air de penser. D'une histoire à l'autre, il va affronter la mafia qui embête un gang de noirs américains dans New York. L'histoire d'après, il va affronter des sortes de zombies mayas qui veulent invoquer un dieu sur New York. L'histoire d'après, il va affronter le lézard. Et chacune des histoires a un pan différent, on va dire, et permet de montrer un peu Spider-Man dans des environnements un peu différents les uns des autres. Et il peut passer de guerre contre la mafia à Supernatural à l'épisode d'après. Donc ne serait-ce que pour les gens qui sont un peu curieux de voir à quoi ressemble Spider-Man, on va dire pour de vrai, commencer par là, ce serait probablement le mieux. Il y aura peut-être des petits personnages qu'ils n'ont jamais vus de leur vie ou quoi, mais ça n'empêche pas la lecture et la compréhension de l'histoire en général. Donc j'aurais tendance à vraiment recommander celui-là. Ok, moi j'avais envie de vous conseiller Ultimate, je vais pas vous en parler, juste vous allez voir Ultimate Spider-Man, c'est par Brian Michael Bendis. C'est l'univers Ultimate, donc c'est Marvel qui reprend tous ces personnages et qui les reboot et qui en refont c'est une espèce de relecture des personnages. C'est vraiment très très très cool. Juni vous en a parlé tout à l'heure, c'est avec ça qu'il a découvert Spider-Man, mais c'est le moyen parfait pour entrer dans le personnage. C'est très très frais, c'est un personnage de Spider-Man adolescent qui va au lycée, qui a des problèmes de cœur, tout ça. Vraiment, pour commencer, ce que tu dis toi, Ultimate Spider-Man, c'est très bien, ouais. Mais aussi, ce qu'a conseillé Jenny, c'est Un Jour Nouveau, c'est après ce que moi je vous ai présenté, où ils ont renouvelé le personnage, et du coup, tu parlais de Chris Bacallo, je crois qu'il est dans le tome 2 de Un Jour Nouveau. Donc ça aussi, c'est un bon point d'accès, et c'est l'arrivée de Dan Slott aussi. Mais moi, je vous conseille plus Stransky. Ok. on va finir sur ça. La semaine prochaine, je ne sais pas du tout de quoi on va vous parler. On décidera ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'est bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel run ou quel titre de Spider-Man vous avez aimé. On n'a pas parlé des films, mais on fera une spéciale Spider-Man en cinéma et en série télé dans une autre émission. Du coup, on n'a même pas le temps de faire les coups de cœur puisqu'il est trop tard. Mais je vous laisse avec la musique de Ghost in the Shell parce que je voulais parler de Ghost in the Shell. N'allez pas le voir et allez voir le film Ghost in the Shell de je sais plus qui c'est qui est. Le film animé japonais. Voilà, ouais, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. De Mushi, voilà. Qui est très bien, contrairement au film américain. Je comprends rien, mais il est très bien. Qui est moins bien. Merci messieurs. Merci à toi. Et merci de votre passion de Spider-Man. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, sur le site internet. Si vous nous écoutez depuis iTunes en replay, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et nous mettre un petit commentaire. Et à la prochaine. Allez, bye. A plus, ciao. Ciao. Stop.